elle n'eut non guère abusé de ce faux principe pour elle-même. Mais elle en abusa pour autrui, et cela, par une autre maxime presque aussi fausse, mais plus d'accord, avec la bonté de son cœur. Elle a toujours cru que rien n'attachait tant un homme à une femme que la possession. Et quoiqu'elle n'aimât ses amis que d'amitié, c'était d'une amitié si tendre qu'elle employait tous les moyens qui dépendaient d'elle pour se les attacher plus fortement. Ce qu'il y a d'extraordinaire est qu'elle a presque toujours réussi. Elle était si réellement aimable que plus l'intimité dans laquelle on vivait avec elle était grande, plus on y trouvait de nouveaux sujets de l'aimer. Une autre chose digne de remarque est qu'après sa première faiblesse, elle n'a guère favorisé que des malheureux. Les gens brillants ont tous perdu leur peine auprès d'elle. Mais il fallait qu'un homme qu'elle commençait par plaindre fût bien peu aimable si elle ne finissait par l'aimer. Quand elle se fit des choix peu dignes d'elle, bien loin que ce fût par des inclinations basses qui n'approchèrent jamais de son noble cœur, ce fut uniquement par son cœur trop généreux, trop humain, trop compatissant, trop sensible, qu'elle ne gouverna pas toujours avec assez de discernement.